إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله إن الله خلق الإنسان وجعله أعظم وأكرم وأشرف مخلوق على وجه الأرض فقال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فالإنسان عجيب في تكوينه الجسمي وغريب في تكوينه الروحي وفيه من الأسرار العظيمة ما لا يعد ولا يحصى ولذلك أمرنا الله تعالى بالنظر والتفكر في أنفسنا فقال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون والله تعالى بين أنه سيري الناس آياته في الآفاق وفي الأنفس حتى يتحقق لهم اليقين بأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم حق فقال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد لذلك جعلت الشريعة الحفاظ على حياة وصحة الإنسان أحد الضروريات الأساسية التي أمرت الشريعة بالحفاظ عليها وحمايتها وتنميتها فحذرت الشريعة الإسلامية من إيقاع النفس في مواطن الهلاك فقال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وقال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما والدنيا ما هي إلا دار بلاء وأمراض ظل زائل ومتاع منتهن ما من إنسان في هذه الدنيا إلا ولا بد أن يواجه فيها مرضا وعافية وسرورا وفرحا وحزنا وسراء وضراء وكل هذا لماذا؟ لأن الله تعالى يقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور يقول تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا ومع ما علم عن متاع الدنيا الزائل وتنغصها وتكدرها بالأمراض والموت إلا أن الشريعة الإسلامية أمرت بالاحتياط والحذر فأمرت بالتداوي من الأمراض فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل داء دواء فإذا أصاب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل لقد أمرت الشريعة بالتداوي ومجانبة أسباب الإلقاء باليد إلى التهلكة ولنا اليوم عدة وقفات مع الأمراض خاصة المعدية أو التي لا يرجى برؤها عند الأطباء الوقفة الأولى أن الإسلام أمر المسلم بالتوكل على الله عز وجل في جميع أموره وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ومن يتوكل على الله فهو حسبه فلا يخاف المسلم إلا من الله كل هذا مع أخذه بالأسباب المباحة أو الواجبة شرعا دون إيذاء أو تخويف للآخرين، كتخويفهم بتلك الأخبار السيئة عن بعض الأمراض المعدية والشائعات المكذوبة دون أدنى تبين أو تثبت. وفي ذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قال: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الطيبة أو الحسنة. رواه أبو داود والترمذي. فالمرض والشفاء بيد الله عز وجل، وإذا مرضت فهو يشفين، والتداوي والعلاج ما هو إلا أخذ بالأسباب التي أودعها الله تعالى في الكون، وهو أمر مشروع لا يتعارض مع قضاء الله وقدره. الوقفة الثانية: الإسلام دين الكمال والجمال والنظافة، لذلك أمر الإسلام بالغسل والتطهر من الأوساخ والأدران التي هي مرتع للأمراض وسبب في نقلها وانتشارها. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وقال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق على المسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. وفي صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، حيث جعل النظافة والتطهر نصف الإيمان. وكذلك فإن الإسلام قد أمر بنظافة الفم والأسنان، حيث شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم سنة السواك، فقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. فالشريعة أمرت بحفظ الأطعمة ونظافتها. ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: غطوا الإناء وأوكئوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه ذلك الوباء. والأدلة من الآيات والأحاديث الدالة على مشروعية النظافة والتطهر كثيرة جدا، وفيها وقاية بإذن الله من كثير من الأمراض والأوبئة المنتشرة. الوقفة الثالثة: إن التصور الصحيح وسلامة الاعتقاد حول الأمراض المعدية أنها لا تتعدى بذاتها، وإنما تتعدى بمشيئة الله عز وجل، فإن شاء الله أن يتعدى المرض من واحد إلى آخر انتقل إليه المرض، وإن لم يشأ عز وجل أن ينتقل المرض إليه لم ينتقل. وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. رواه البخاري. وقوله لا عدوى نفي أن تفعل العدوى فعلها من دون أمر الله عز وجل أو من دون إرادته، بل يجب أن تأخذ بكل الأسباب وأن لا تعزو المرض إلا إلى قضاء الله وقدره. ولقد أحدث هذا القول إشكالا عند بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة أنهم يلمسون في حياتهم اليومية انتقال المرض بالعدوى من واحد إلى آخر، فما كان من أحدهم إلا أن عقب على قول الرسول صلى الله عليه وسلم متسائلا ومتناولا مثالا من الواقع اليومي الملموس عن انتقال المرض بالعدوى. فقد روى الإمام أحمد والترمذي عن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يعدي شيء شيئا فقام أعرابي فقال يا رسول الله النقبة من الجرب تكون بمشفر البعير أو بذنبه في الإبل العظيمة فتجرب كلها يعني يتعدى المرض من إبل إلى إبل آخر فتجرب كلها فقال الرسول صلى الله عليه وسلم فما أجرب الأول يعني الإبل الأول الذي أجرب من أجربه وما أجربه فقال لا عدوى ولا هامة ولا صفر خلق الله كل نفس فكتب حياتها ومصيبتها ورزقها فقوله صلى الله عليه وسلم فما أجرب الأول يريد أن أول بعير جرب منها كان جربه بقضاء الله وقدره لا بالعدوى فكذلك ما ظهر بسائر الإبل من بعد ومجموع النصوص الشرعية تشير إلى وجوب اجتناب الأسباب المؤدية إلى انتقال العدوى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأن الطاعون هو مرض معد وهو مرض معد إذا قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه إذا كنتم في المكان فلا تخرجوا وإذا كنتم خارج هذا المكان الذي فيه هذا الطاعون فلا تدخلوا إليه رواه البخاري ومسلم وقد فهم هذا المعنى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أراد دخول الشام ومعه كبار الصحابة وقد انتشر الطاعون فيها ومات الآلاف فأخذ بالأسباب والحذر والحيطة ورجع ومن معه إلى المدينة فقال أحدهم لعمر أتفر من قدر الله فقال عمر وأجاب له قال نفر من قدر الله إلى قدر الله فهكذا هذا هو الحجر الصحي بعينه بلغة اليوم وقال عليه الصلاة والسلام لا يرد ممرض على مصح رواه البخاري ومسلم فنهى صاحب الإبل المراد أن يوردها على صاحب الإبل السحاح تقدموا بارك الله فيكم وقال صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر فر من المجذوم فرارك من الأسد وهذه دعوة إلى التنفير من الاقتراب من صاحب المرض المعدي وذلك تجنبا لسببه بعدم التعرض لأسباب العدوى وقد سلك الرسول صلى الله عليه وسلم الأسباب المؤدية لعدم انتقال العدوى ونتيجة الأمراض المعدية فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه قال كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنا قد بايعناك فارجع فكانت البيعة تتم عن طريق اللمس وذلك بوضع اليد في اليد ولا يوجد أوضح وأصرح من هذا النص في تجنب التعامل مع المريض المصاب بمرض معد إن في هذه الخطوات الشرعية محاصرة للمرض منعا لانتقاله إلى الأصحاء ومنعا لخطره بإذن الله ولهذا كل مسلم فليعلم كل مسلم أنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة والله سبحانه وتعالى يبتلي عباده في هذه الحياة الدنيا. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: لولا محن الدنيا ومصائبها لأصاب العبد من أدواء الكبر والعجب والفرعنة وقسوة القلب ما هو سبب هلاكه عاجلا وآجلا. فمن رحمة الله أرحم الراحمين أن يتفقده في الأحيان بأنواع من أدوية المصائب تكون حمية له من هذه الأدواء. ويقول تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Serviteur d'Allah, craignez Allah et rappelez-vous que Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain sur terre et qu'il en a fait la créature la plus noble et il l'a honoré sur la terre. Et il dit dans le Coran ce qui signifie: nous avons créé l'homme et nous l'avons créé de la forme la plus parfaite. Et donc l'être humain est une créature étonnante, surprenante. Lorsqu'on observe et lorsqu'on étudie le corps humain et comment il est fait, comment Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé avec tout ce qu'il contient comme organes et comme système, c'est une création qui éblouit les médecins et les scientifiques lorsqu'ils étudient la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala a créé le corps. Donc subhanallah, celui qui a créé ce corps, eh bien, on peut voir justement par cette création parfaite à quel point il est grand, à quel point sa science est grande, à quel point sa miséricorde est grande, à quel point sa perfection est immense. Et par conséquent, également, il nous a incité à réfléchir justement sur notre création et à méditer sur ce qu'il a fait comme exemple dans notre corps humain. Et à chaque fois que quelqu'un pose la question: est-ce qu'il y a une preuve de l'existence de Dieu, surtout parmi les kuffars qui ont des doutes ou qui ne croient pas en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: wa fi anfusikum afala tubsirun. Et en vous-même, n'avez-vous donc pas vu qu'est-ce qu'il y a en vous-même comme miracle, comme création, qui dépasse l'entendement, qui dépasse même la raison? La façon comment Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé, ça c'est une preuve en soi. Est-ce que vous avez besoin d'une preuve supplémentaire? Vous n'avez qu'à vous étudier vous-même et à vous regarder vous-même comment il vous a créé. Et donc tout ça pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé cette vie d'ici-bas pour nous tester et pour nous éprouver. Et parmi les exemples de ça, il a fait en sorte qu'il y ait des maladies, qu'il y ait de la fatigue, qu'il y ait des malaises, qu'il y ait des souffrances pour nous tester et pour nous éprouver et pour voir qui d'entre nous sera reconnaissant. Parce que si on était toujours en bonne santé et si personne n'était jamais malade et si tout le monde était toujours fort et si tout le monde était toujours bien, quand est-ce qu'il allait penser, l'être humain, à sa réalité? Et quand est-ce qu'il allait penser réellement à remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour les grâces qu'il possède? On dit souvent, et comme c'est un dicton célèbre chez les Arabes, que la santé est une couronne sur la tête des gens qui sont en santé, seulement les malades la voient. Et donc, c'est une réalité qui nous incite donc à faire des efforts, justement pour être reconnaissants. Et en ce qui concerne la maladie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans un hadith authentique qu'il n'y a pas une maladie qui existe excepté qu'il y a un remède pour cette maladie-là. Li kulli da'in dawa. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Ça veut dire que c'est pas tout le monde qui peut le connaître. C'est pas tout le monde qui le connaît nécessairement. Il y a à des époques, certaines maladies, c'était des maladies qu'on considérait comme étant incurables. Et si quelqu'un était atteint de cette maladie-là, on pensait que c'était la fin. Puis, par la suite, on a découvert un remède ou une maladie pour guérir cette maladie. Et donc, maintenant, elle est considérée comme une maladie qui est guérissable. Et il y a d'autres maladies qui existent actuellement, que les êtres humains considèrent comme étant des maladies incurables. Et pourtant, dans quelques temps ou dans quelques années, certains chercheurs vont découvrir quelque chose pour le guérir. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, il a mis pour chaque maladie un remède. Mais il faut le chercher. Et il faut faire des recherches pour le trouver. Donc ça nécessite des efforts et ça nécessite également de prendre les causes nécessaires pour y arriver. Parmi les choses qui sont importantes à mentionner par rapport à ce qui a rapport par rapport aux maladies et aux causes et aux moyens qu'on doit prendre pour les éviter, il faut se rappeler de certains points. Le premier point, c'est que le musulman, il doit toujours mettre sa confiance en Allah et faire preuve de tawakkul dans toutes ses affaires et dans toute situation. Et ça ne veut pas dire que il ne doit pas faire des causes ou prendre les moyens ou faire des efforts pour justement se guérir ou se prévenir d'une maladie, se préserver d'une maladie ou prendre un médicament lorsque un médicament existe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné par rapport à ça le fait de faire attention justement à ce qui peut être propagé comme fausse rumeur à propos de certaines maladies. Parfois, des gens inventent des histoires ou ils inventent des mensonges à propos de certaines maladies pour faire peur aux gens ou pour les effrayer. Donc, si quelqu'un mentionne quelque chose à propos d'une maladie, il est important de vérifier à ce que cette information-là soit exacte et que ce soit une information qui est diffusée par des sources qui sont fiables. Et non pas des gens qui inventent des choses, surtout avec toutes sortes de fausses nouvelles qui sont diffusées dans les médias. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, il n'y a pas de contagion, il n'y a pas de superstition, et j'aime la parole qu'il a appelée al-fa'lu. Et al-fa'l, c'est le fait d'être optimiste, d'être positif, et de dire des choses qui inspirent le bien. Et c'est ça al-fa'lu. Donc, lorsque les sahaba ont posé la question, qu'est-ce que c'est al-fa'al? Il a dit, c'est la belle parole ou la bonne parole. Donc, de dire des choses positives, de dire des choses optimistes et d'espérer le bien et de souhaiter le bien et non pas d'être pessimiste et de faire peur aux gens. Également, de se rappeler que la guérison et la maladie sont entre les mains d'Allah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui peut guérir. Et c'est lui qui donne la maladie à qui il veut, selon sa sagesse. Et donc, il faut s'en remettre à Allah. Le deuxième point à ce sujet-là, c'est que l'islam, c'est une religion de la propreté, une religion de la beauté, une religion de la perfection. Et dans l'islam, il y a les règles qui nous incitent à rester propres et à se purifier et à se laver et à se nettoyer. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné à chaque jour, avant chaque prière, si c'est nécessaire de se purifier pour faire la prière. Si quelqu'un n'est pas pur, il doit se laver les mains, le visage, les pieds, et ainsi de suite, comme on le sait dans le wudu. Et s'il est impur d'une impureté majeure, il doit faire le rusul. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui se purifient et ceux qui se repentent constamment. Donc, tout ça, ça fait partie des règles qui font partie des choses importantes de l'islam. Même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, la pureté, et la propreté fait partie, c'est la moitié de la foi. At-tuhur, c'est la pureté. Et la pureté, c'est d'être propre, c'est de se nettoyer, c'est d'enlever les impuretés et les saletés qui peuvent être sur notre corps. Et on sait que c'est souvent ces saletés-là qui font en sorte que les maladies se propagent. Lorsque quelqu'un ne se nettoie pas lui-même ou nettoie pas sa maison ou nettoie pas ses choses, c'est ce qui fait que la saleté s'accumule, les germes et les bactéries, et ce qui fait que par la suite la personne devient malade. Également, l'islam, il nous a interdit de manger certaines sortes d'animaux, des différents animaux qui peuvent justement être des animaux qui sont sales ou qui contiennent justement des éléments qui sont des sources justement de maladies et de bactéries et de germes. Et c'est pour cette raison-là justement qu'on peut pas manger la viande qui est morte, hein, et également de pas manger des animaux qui sont impurs, comme le porc, ou bien comme des animaux de proie, tous les animaux qui ont des crocs ou des oiseaux qui ont des serres, hein. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a interdits. Donc tout ça c'est pour notre bien. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a incité de se nettoyer même les dents et la bouche et de purifier la bouche avec le siwak. Il a dit, et si ce n'était pas trop dur pour ma umma, je leur aurais ordonné de le faire avant chaque après chaque wudu et aussi avec la prière, avant la prière. Donc ça c'est un encouragement de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se nettoyer la bouche et les dents et d'avoir une belle hygiène, hein, une belle hygiène corporelle. Également de couvrir les contenants la nuit et de pas les laisser ouverts, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a une nuit dans laquelle il y a une maladie qui tombe ou qui descend, et s'il y a un sac qui n'est pas fermé ou un contenant qui n'est pas couvert, eh bien cette maladie tombe dedans. Donc il nous a encouragé à fermer les contenants, à les recouvrir pour éviter justement que rentrent des maladies ou des causes de maladies dans notre nourriture et dans les choses qu'on consomme. Parmi les choses importantes à mentionner à ce sujet-là aussi, l'importance d'avoir une bonne croyance en ce qui concerne la maladie et de savoir que même si une maladie est contagieuse, elle ne peut pas se propager excepté par la volonté d'Allah et par la permission d'Allah. Donc une maladie ne peut pas se transmettre d'une personne à une autre excepté par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de contagion. Il a dit qu'il n'a pas de contagion, non pas pour nier la contagion elle-même, mais pour faire comprendre que la contagion, si elle est présente et si elle se propage, la maladie, c'est uniquement par la volonté et la permission d'Allah et ce qu'il a prédestiné. Et c'est pour cette raison-là que parfois, certaines personnes peuvent être dans un endroit où il y a une contagion, hein, une épidémie, et certaines personnes sont immunisées. Elles sont en contact avec les gens malades, elles sont en contact avec les gens qui sont infectés, et elles ne sont pas affectées ou touchées par cette infection-là. Pourquoi ? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé en eux une immunité qui fait qu'ils ne sont pas touchés. C'est la preuve que tout ce qui a rapport avec la contagion et la maladie, c'est par la permission et par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cette raison que lorsque les sahaba ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire qu'il n'y avait pas de contagion, certains d'entre eux ont dit, oui, mais comment ça se fait que lorsqu'on a des chameaux ou des animaux, puis que un parmi les animaux qu'on possède dans le troupeau attrape une maladie, eh bien on remarque que ça se transmet au reste du troupeau et que par la suite tout le troupeau tombe malade. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à cette personne, il lui a dit, et qui a rendu le premier malade? C'est-à-dire le premier dans ce troupeau-là qui est tombé malade, c'est qui l'a rendu malade? Eh bien c'est sûr que ça, c'est par la destinée d'Allah et par la prédestination et par le qadar d'Allah. Hein? Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide et c'est lui qui a prédestiné la maladie. Et aussi par rapport à la contagion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné, s'il y a une épidémie dans un endroit ou une contagion, si vous êtes à l'extérieur de cette ville et que vous entendez qu'il y a la peste ou une maladie à l'intérieur, alors n'y entrez pas. Et si vous êtes à l'intérieur de cette ville où il y a cette contagion, ne sortez pas pour fuir de cette maladie, parce que vous risquez de la propager ailleurs. Donc si vous êtes là, restez. Et si vous êtes à l'extérieur, n'entrez pas. Et ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle, hein, un moyen pour isoler justement la maladie, pour empêcher ou éviter sa propagation. Hein, et c'est pour cette raison-là justement que cette année, les autorités en Arabie Saoudite ont décidé qu'ils ne vont pas permettre ou laisser les gens faire la Umrah, hein, pour éviter justement que ça aide à la propagation de cette maladie. Hein? Et ils ont pris des mesures aussi pour faire en sorte qu'il y ait un nettoyage constant, plus intense des lieux de culte pour éviter justement la propagation de ces maladies-là. Également, le prophète Sansam, il a dit, si vous avez un animal qui est malade, ne l'amenez pas pour boire dans l'eau des animaux qui sont en santé. Hein? Donc tout ça, c'est des préventions que le prophète Sansam nous a enseignées. Et il a dit, fuyez de celui qui a une maladie, hein, qui est contagieuse, comme on fuit, hein, comme vous fuyez quand vous voyez le lion. Hein, firar ou kaminal asad. Donc tout ça, c'est pour mentionner qu'on prend les causes nécessaires pour s'éloigner, hein, des causes de ce qui peut nous faire tomber malade ou nous ramener des causes qui sont négatives ou mauvaises. Et également, bon, tout ce qui peut nous atteindre et tout ce qui nous touche, c'est uniquement à cause de ce que nos mains ont acquise. Et donc, ça nécessite de notre part, bien entendu, la repentance à Allah subhanahu wa ta'ala et de demander pardon pour nos péchés. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم